En ce moment, le maréchal Hulot, ayant appris que son frère et le ministre étaient seuls, se permit d'entrer, et il alla, comme les sourds, droit au prince. « Oh ! Cria le héros de la campagne de Pologne, « je sais ce que tu viens faire, mon vieux camarade, mais tout est inutile. »« Inutile ? » répéta le maréchal Hulot qui n'entendit que ce mot. « Oui, tu viens me parler pour ton frère, mais sais-tu ce qu'est ton frère ?»« Mon frère ? » demanda le sourd. « Eh bien ! » cria le maréchal, « c'est un Jean-Foutre, indigne de toi !» Et la colère du maréchal lui fit jeter par les yeux ces regards fulgurants qui, semblables à ceux de Napoléon, brisaient les volontés et les cerveaux. « Tu en as menti, Cotin !» répliqua le maréchal Hulot, devenu blême. « Jette ton bâton, comme je jette le mien. Je suis à tes ordres. » Le prince alla droit à son vieux camarade, le regarda fixement et lui dit dans l'oreille en lui serrant la main. « Es-tu un homme ? Tu le verras. Eh bien, tiens-toi ferme. Il s'agit de porter le plus grand malheur qui pût arriver. » Le prince se retourna, prit sur sa table un dossier, le mit entre les mains du maréchal Hulot en lui criant « Lis !» Le comte de Pforzheim lut la lettre suivante, qui se trouvait sur le dossier.